possibile, Luigi? Solamente per pensare. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, il est midi à l'horloge de Radio Campus et vous écoutez Angle d'attaque sur 106,6 MHz. C'est possible aussi sur campuslille.com. Angle d'attaque, une émission d'Attaque Métropole. Attaque, A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Aux manettes, le maître du temps, Florent, qui nous donnera le tempo, les rendez-vous militants et nous proposera une ou deux chansons. Et Louis et moi-même, René, animons l'émission. Alors de quoi parlons-nous aujourd'hui ? Eh bien, rebondissant sur l'actualité, nous allons vous parler de la loi travail version Macron-Pénicaud, appelée aussi loi travail XXL. La manifestation du 12 septembre à Lille a été une réussite. Un immense cortège de plusieurs milliers de participants, dans lequel plusieurs d'entre nous étaient présents, parmi d'autres fainéants, cyniques et extrémistes, pour reprendre les termes du dieu olympien qui préside à nos destinées. Nos invités pour cette émission, Vladimir Marcus, du syndicat Solidaire. Bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous faire partager vos connaissances. Et André Delcroix, d'Attaque Roubaix-Tourcoing, et par ailleurs membre du collectif Stop Tafta CETA de la métropole, qui nous exposera les liens entre le démantèlement du droit du travail et les accords de libre-échange. Bonjour André. Bonjour René. Merci. Merci de l'invitation. Voilà, donc c'est parti pour le questionnement. Peut-être énumérer les principales mesures comprises dans ces ordonnances. Il y a d'abord concernant le licenciement abusif, les indemnités prud'homales plafonnées. Pour les licenciements économiques, par contre, les indemnités légales seraient remontées de 25%, mais le périmètre d'appréciation de la cause économique serait revu. Pour les accords collectifs, primauté bien sûr, comme on l'a entendu souvent, des accords d'entreprise sur les accords de branche et sur le code du travail. Compte pénibilité, alors simplification, allègement des obligations de l'employeur. Pour le travail de nuit, pour les entreprises sans accord, possibilité d'adaptation de la plage horaire 21h-6h. Et pour les entreprises avec accord, elles pourront définir elles-mêmes le caractère exceptionnel du recours à ce type de travail. Pour le télétravail, il est prévu un encadrement juridique pour sécuriser l'employé et l'employeur. Pour les institutions représentatives du personnel, bon, c'est la fusion des instances, donc des délégués du personnel, du conseil d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité, ce qu'on appelle le CHSCT. Pour les compétences des personnes mandatées, c'est-à-dire les représentants syndicaux, possibilité d'acquisition de compétences pour ces titulaires. Et en cas d'absence d'accord, possibilité de fusion entre branches professionnelles. En ce qui concerne aussi l'assurance chômage, une réforme ultérieure est prévue. Mais d'ores et déjà, il y aurait possibilité pour les salariés démissionnaires de toucher le chômage une fois tous les 5 ans. C'est bizarre. Et une assurance chômage pour les indépendants. Et enfin, on peut ajouter le CDI, le fameux CDI dit de chantier, qui transforme le travail quasiment en travail jetable. Voilà donc l'énumération de ces principaux points. Maintenant, peut-être Louis. Oui, alors puisque nous faisons face à un texte qui est très complexe, dont la lecture est nécessairement difficile, puisque c'est un texte de nature juridique, on est sur 5 ordonnances, 160 pages, 36 mesures. On va essayer de revenir sur ces différents points clés avant d'essayer d'envisager une approche plus large, plus globale sur l'esprit, l'essence des réformes structurelles. Première question, sur l'un des points clés de ces ordonnances, ça nous avait déjà beaucoup occupé l'an passé avec la loi El Khomri, avant que ça en soit retiré. Est-ce que ces ordonnances sonnent le glas de la justice prud'homale, considérant alors d'une part l'amoindrissement des délais pour agir, d'autre part l'amoindrissement des indemnités susceptibles d'être prononcées, indemnités à mettre en perspective des coûts à nécessairement assumer pour agir en justice, de la longueur des procédures prud'homales? Est-ce qu'en d'autres termes, cette réforme est autre chose qu'une forme d'incitation pour les travailleurs à tout simplement accepter leurs indemnités de licenciement? Bien, c'était déjà le cas avec la loi Travail 1, hein, puisqu'on constate que depuis la loi Arbeit El Khomri, le nombre de recours au prud'homme a déjà beaucoup baissé, parce qu'on a renforcé l'aspect dit conciliation, qui est l'essence originelle des prud'hommes, et en même temps, on a complexifié le montage des dossiers pour les salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un salarié, déjà, il doit, lui, remplir toutes les cases par écrit, préciser la nature de ses demandes, chiffrer ses demandes. Donc, évidemment, déjà, un particulier qui voudrait aller au prud'homme sans défenseur syndical ou sans avocat va se trouver et bien dans l'embarras. Et donc, on constate qu'il y a un moins de recours au prud'homme, déjà, depuis la première loi travail. Alors ça, évidemment, en plafonnant, il y a un problème de fond derrière, hein, qui touche. C'est pour ça, d'ailleurs, que sur le premier projet de l'année dernière, la justice, le Conseil constitutionnel avait retoqué la disposition de plafonnement. C'est pas des indemnités de licenciement, hein, c'est le plafonnement du préjudice, en gros, qui est encadré, hein, en cas de licenciement. Donc sans cause réelle et sérieuse ou abusif, mais le terme exact, c'est sans cause réelle et sérieuse. Donc oui, effectivement, c'est terrible comme mesure. En plus, déjà, c'est dissuasif, c'est une mesure financière. Bon, qui va être terrible. Moi, pour avoir défendu un dossier au prud'homme il y a 3-4 ans, avec un salarié, c'est l'exemple qui est donné, un salarié qui a 20 ans d'ancienneté, aujourd'hui va toucher 20 mois au maximum. Ce salarié, il est parti avec 48 000 euros. Donc, beaucoup plus que 20 mois. Parce que le Conseil des prud'hommes et la Cour d'appel de Douai ont estimé que c'était vraiment un licenciement abusif et que c'était en plus un licenciement économique déguisé. Puisque l'entreprise qui avait licencié, qui était les chantiers Vauquier en l'occurrence, de la même famille que le fameux dirigeant des LR, avait masqué qu'il était en train d'envisager un plan dite sauvegarde de l'emploi, donc en fait un plan de licenciement. Donc oui, c'est et puis ça enlève au juge toute possibilité de juger. C'est-à-dire on dit au juge, ben vous avez un barème, vous l'appliquerez. C'est le deuxième aspect, c'est-à-dire qu'au niveau légal, il y a quand même un problème, un juridique. C'est-à-dire que dans les autres, pour tout ce qui concerne les autres types de recours, civils, devant les tribunaux et tout, le préjudice n'est pas chiffré. Là, on dit, par avance, si vous êtes licencié abusivement, de toute façon, au maximum, ça sera tant. Donc, oui, c'est dissuasif. Et l'idée, hein, quand même, qui court derrière ça, c'est que petit à petit, vider les prud'hommes et obliger les salariés à aller devant les tribunaux classiques, hein, devant les tribunaux d'instance, pour juger leur litige. Oui, absolument. On notera simplement que, alors certes, il y a la lutte, d'une part, pour, de manière générale, espérer que, ou obtenir, du moins, non pas espérer, mais obtenir que ces ordonnances soient balayées. Mais il y a aussi, et c'est suffisamment notable pour le souligner, compte tenu du droit bourgeois qui s'impose à nous, il y a peut-être une hypothèse juridique qui pourrait contrevenir à cette perspective de plafonnement des indemnités prud'homales, puisque la charte sociale européenne révisée en son article 24 consacre le droit à la protection en cas de licenciement, et dans un arrêt pourtant passé assez inaperçu du 10 février 2014 du Conseil d'État. Le Conseil d'État a reconnu que cette disposition consacrant le droit à la protection en cas de licenciement était d'effet direct, donc invocable devant les juridictions françaises. Et l'an passé, en septembre 2016, le Comité européen des droits sociaux, qui est en charge de veiller au respect de la Charte sociale européenne, a constaté que des dispositions légales mises en place en Finlande limitant les indemnités en cas de licenciement à 24 mois constituaient une violation de la Charte sociale européenne, Charte sociale européenne que les États signataires sont tenus de respecter, et parmi ces États signataires, il y a la France. Et donc c'était 24 mois en Finlande, et ça a été jugé insuffisamment dissuasif, et donc contraire à la Charte sociale européenne. Donc 24 mois en Finlande, chez nous c'est 20, comme vous l'avez dit. Donc il y a peut-être une perspective pour... Il y aura sûrement des recours au niveau juridique, mais pas simplement sur ce point. Y compris sur d'autres points qui sont dans les ordonnances, il y aura des problèmes au niveau juridique d'application, des contradictions avec ce qui existe aujourd'hui, et probablement des tas de blocages qui donneront lieu à des recours. D'autant que les décrets vont se faire au fur et à mesure. On a eu la loi Rebsamen en 2015 qui a déjà modifié les instances représentatives du personnel. Donc les derniers décrets sont parus cette année. La loi El Khomri, elle est sortie en 2016, il y a des décrets qui sont parus cette année. Les décrets ne vont pas être immédiats après les ordonnances. Donc il y a un certain nombre de choses aujourd'hui qu'on ne connaît pas et qui ont évolué un tout petit peu en fonction des grandes négociations de certaines grandes centrales syndicales qui nous disent qu'elles ont obtenu des avancées significatives. On cherche toujours lesquelles. Oui. J'ai peut-être une question que vous n'aurez peut-être dû poser au début. Simplement, les ordonnances sont-elles légales, légitimes et démocratiques ? Alors légal, bien entendu, mais elle ne date pas de la Ve République. Les principales dispositions que les ordonnances sont en train de détruire à la hache, notamment le régime de protection sociale, le régime d'indemnisation du chômage, la sécurité sociale... Vous n'avez pas parlé, mais dans les plans de réforme qui suivent, bien entendu, à partir du moment où on supprime de la feuille de paye les cotisations sociales, salariales et patronales, on met par terre la sécurité sociale. Donc toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui vont détruire tout ce qui a été gagné, allez, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, en gros. C'est-à-dire tout ce qui a été gagné en 1936, par terre. Comme tout ce qui a été gagné en 1945 par voie d'ordonnance. Donc 4e République, en 1945, les ordonnances créent la sécurité sociale, le régime de retraite par répartition, à l'initiative sur le programme du Conseil national de la Résistance, mais avec quand même un certain nombre de bémols, parce qu'il ne faut pas oublier que le président du Conseil, c'était De Gaulle, et que notamment ce qui concerne les comités d'entreprise qui sont mis en place en 1945, il y a un certain nombre de mesures sur lesquelles De Gaulle a mis son veto, notamment sur les droits de contrôle de la production par le comité d'entreprise, sur les droits de veto du comité d'entreprise, ça n'est pas passé dans le projet définitif. Donc c'est tout qui est par terre. Donc les ordonnances, elles sont légales. Oui, on peut dire qu'aujourd'hui, elles sont utilisées pour raccourcir la possibilité de débat. Mais est-ce que les débats à l'Assemblée nationale vont changer quelque chose, vu la majorité, vu les grognards qui suivent Macron-Léon Ier ? Effectivement. On s'en doute que ça ne va pas être le cas. Par contre, ça laisse du temps peut-être pour construire d'autres mobilisations, pour informer plus, parce que aujourd'hui, évidemment, quand on entend dans tous les débats, il y a beaucoup trop d'instances représentatives du personnel en France. Dans les autres pays, ça n'est pas comme ça. Alors c'est vrai, dans beaucoup de pays, ça n'est pas comme ça. Il n'y a pas des instances différenciées, il n'y en a pas autant. Mais c'est dû à l'histoire, aux luttes qui ont permis de les gagner. Et évidemment, pour le salarié lambda, la majorité des salariés aujourd'hui vivent dans des entreprises où il n'y a pas forcément ces instances existantes. Et quand on leur dit qu'on va les fusionner, ben oui, on va les fusionner. Et dans d'autres, qu'est-ce que pensent les salariés ? Ben, de toute façon, les gens qui sont élus, ils ne nous défendent pas. De toute façon, on ne les voit jamais. De toute façon, ils profitent de leurs heures à titre personnel. Donc il y a tout ça qui fait que l'enjeu ne peut pas être ce qui est mis en avant dans les médias, ce qu'on met tout le temps en avant, oui, il y a trop d'instances représentatives du personnel, oui, ça prend trop de temps, oui, etc. La bataille ne peut pas se faire là-dessus, elle ne se fera pas là-dessus. Par contre, c'est tout ce qui décline de ces ordonnances derrière, encore une fois, hein, c'est la taxe sur la protection sociale, sur l'indemnisation du chômage, sur la sécurité sociale. Il y a encore d'autres mesures dont on pourra parler plus tard, qui sont pendantes de ça, qui vont découler de ça. Sur les salaires, par exemple. Sur les statuts de fonctionnaires, par exemple. L'une des questions qu'on peut se poser à la lecture des textes des ordonnances, c'est est-ce que l'ambition ultime, l'ambition inavouée ou quasi inavouée, ça n'est pas celle de la modération salariale, au bout du bout ? Ah ben, de toute façon, elle existe déjà. Donc on peut dire que ça va plus loin. C'est une cure d'austérité importante. Quand on voit les mesures qui sont prises... pas simplement sur les APL, hein, qui ont beaucoup frappé, la diminution progressive des APL, ça va encore diminuer. C'est aussi tout ce qui vient d'être annoncé sur la politique du logement. C'est-à-dire ne plus respecter les normes environnementales et sociales pour construire plus, ça conduit à quoi ? Quelle va être la conséquence pour les gens qui sont en attente de logement ? Bon, il y a tout ça, c'est une politique austéritaire d'ensemble. C'est pas que des mesures qui concernent l'assouplissement du marché du travail ou tout ce de quoi, comment ils enrobent les choses. En fait, cette loi travail, c'est que la première étape de tout un programme de détricotement de la société, en fait. Bah, de tout ce qui a été acquis, oui, c'est un retour marqué aux années 1900, hein. Si tout s'applique, c'est pas moins. Hein. Justement, donc, on nous a parlé, on nous dit toujours, que le coût du travail est trop élevé par rapport à nos voisins, notamment l'Allemagne. Alors déjà, quand on nous parle du coût du travail, on a des chiffres contradictoires venant de différentes sources. Alors, de quoi parle-t-on exactement ? Bah, le grand argument qui est utilisé toujours, c'est les employeurs payent trop de charges. Parce qu'ils ne payent pas que votre salaire, ils payent donc ces cotisations sociales, qu'eux, ils appellent des charges. Et ces cotisations sociales, c'est ce qui permet d'alimenter la sécurité sociale, c'est ce qui permet d'alimenter le régime de retraite par répartition. Et la demande des employeurs du MEDEF depuis très longtemps, c'est de réduire cette part. Bah, c'est le projet. Parce que si on les supprime de votre fiche de paye en vous disant vous allez gagner 21 euros de plus par mois, qui va financer ces régimes ? Ben, on va tomber dans un régime où, comme c'est le cas en Grande-Bretagne, c'est l'impôt qui financera. Et si c'est l'impôt, ça sera voté par les députés. Vous pensez que les députés En Marche, tels qu'ils sont aujourd'hui, chefs d'entreprise, etc., conseils financiers, vont augmenter les impôts pour augmenter la protection sociale ? Ben non, c'est le contraire qui va se passer. Un système basé sur l'impôt, ce n'est plus un système basé sur les cotisations patronales et salariales. Et c'est vers ça qu'on va. C'est ça l'enjeu. Parce qu'en plus, il y a du business à se faire, hein, derrière. Puisque si la protection n'est plus assurée par la sécurité sociale, tu vas chercher ailleurs le moyen de te protéger. Si tu en as les moyens. Les assurances privées. Voilà. Et on en revient à la phrase sur ce problème de protection et d'assurance sociale, d'assurance maladie notamment. Il y avait un certain ministre de la mortalité, Mattei, qui au moment de la canicule de 2003 avait dit « Il faut que les Français comprennent que dorénavant, ils seront soignés en fonction de l'argent qu'ils peuvent mettre. » Ben, c'est tout l'enjeu derrière. C'est-à-dire, il y aura des filets de protection, on aura un Macron Care, hein, et puis le reste, les salariés devront se le payer. Puisqu'ils ne payeront plus de cotisations et les patrons non plus. Qui payera ? Le salarié derrière. On a l'ambition d'une fiscalisation de la protection sociale. Voilà. C'est le système britannique qui existe par l'impôt. De la même façon, pour l'indemnisation chômage, ce ne sera plus le système. Si on rend le chômage universel, sa durée d'indemnisation et le montant payé va baisser de manière drastique. Oui. On arrivera là aussi au système britannique, alors peut-être avec des nuances, hein, en Grande-Bretagne, quelqu'un qui est au chômage, qu'il soit cadre ou employé, tout c'est la même chose. Mais à un niveau nettement inférieur au barème d'indemnisation dégressif qui existe ici et qui a déjà été revu à la baisse au fil des années. Donc là, on tombera encore une fois un filet de protection minimal avec derrière l'obligation d'accepter n'importe quel emploi, quelle que soit sa qualification. Parce qu'il y a ça aussi dans le contrôle des chômeurs et dans le projet. Hein. Dorénavant, un chômeur ne pourra pas refuser plus de 2 offres à partir du moment où c'est un travail qui correspond au salaire antérieur, qui n'oblige pas à aller systématiquement à l'autre bout de la France. Et s'il ne l'accepte pas, il perdra le droit à son indemnisation. Oui. Donc c'est vraiment, chaque fois qu'on commence à regarder une ordonnance, et puis on regarde ce qu'il y a derrière et les projets qu'il y a derrière, on ouvre des tiroirs et il y a de plus en plus de mesures. Mais c'est vraiment une machine terrible. Hein. Et justement, pour au sujet des entreprises, bon, on nous parle toujours bien sûr du coût du travail, mais jamais du coût du capital. Est-ce qu'on peut l'estimer, lui ? Parce que, je sais qu'il y avait une étude d'ailleurs menée il y a un an ou deux par des syndicats, je crois. Bon, je pense que c'était surtout ATTAC, la Fondation Copernic, qui avait vraiment évalué ça. Ce qu'on peut dire, c'est simplement dans la répartition des richesses, la part versée en salaire par rapport à ce qui revient au capital a baissé de 10 points oui, en 30 ans. Après, l'estimation, moi, je ne connais pas les chiffres exacts, je ne sais pas s'ils sont fiables. En tout cas, ce qu'on constate, c'est ça, que la part des salaires donnés dans la richesse, le PIB, baisse, et que... par contre, ce qui est donné en rémunération aux actionnaires flambe. Oui. Hein. Donc, au détriment aussi de l'investissement productif. Ben, évidemment. C'est ça. Mais puisque maintenant on raisonne en termes de marché, d'empire mondial, les problèmes ne se posent plus de la même façon. Parce que l'investissement à bas coût, on peut le faire ailleurs. Bon, oui. On n'est plus obligé de le faire en France. Bah, y a tout ça, donc tous des mécanismes qui font qu'on ne peut plus raisonner comme en 1930 ou en 1950. Hein. Le système a quand même su se révolutionner, mais c'est la force de la bourgeoisie. Hein. Mm-hmm. Oui, Louis si... Alors pour revenir néanmoins sur le... même si c'est vraiment essentiel ce que vous dites sur la nécessité d'avoir une approche globale, de bien percevoir tout ce qui se trouve dans les coins d'ombre, etc. Pour revenir néanmoins sur des mesures concrètes des projets d'ordonnance. Prenons par exemple la compétence donnée à une entreprise de désormais négocier avec les représentants syndicaux la baisse, voire la disparition de toutes les primes, et ce, même si ces primes sont consacrées au terme des conventions collectives de la branche professionnelle dont l'entreprise dépend. Cette question, c'est la question de la hiérarchie des normes. Oui, mais elle avait déjà été sérieusement mise à mal par la loi Travail 1, oui, absolument. Hein, puisque, et même avant, puisque des pactes compétitivité-emploi mis en place par le gouvernement Hérault, dont la durée a été prolongée jusqu'à 3 ans, pouvaient faire qu'on avait la garantie de salaire, puisqu'on ne peut pas baisser le salaire, mais pas la garantie du volume d'heures travaillées. Autrement dit, on disait aux salariés, pour rester compétitif au niveau du marché mondial, il faudra... Bah, qu'au lieu de travailler 1607 heures, vous travaillez 1800 heures, mais on vous garantit que vous serez payé 1607 heures au même salaire pendant 3 ans. Mais pendant 3 ans, vous pourrez faire des samedis gratuits, des heures supplémentaires le soir, qui ne seront pas payées en tant que telles. Donc ces mesures, elles existaient déjà. Alors ce qui est renforcé là, c'est qu'au niveau de l'entreprise, on pourra revoir tout. C'est-à-dire y compris ce qui avait un 13e mois existant dans la convention collective, ça pourra être dénoncé et une entreprise pourra décider qu'elle négocie la suppression du 13e mois. De la même façon sur les heures de nuit, l'entreprise. Mais sur les heures supplémentaires, les dispositions existent déjà dans la loi El Khomri. Un employeur pouvait passer les heures supplémentaires pour des gens qui de 25% à 10% et ne les payer qu'au bout de la 2e année. Donc il y a des dispositions qui existaient, qui sont renforcées parce que là on donne la primauté aux accords d'entreprise sur les accords de branche et on élargit énormément le champ de ce qui sera du domaine de l'entreprise. Où l'employeur pourra faire soit par la négociation s'il obtient un accord majoritaire. Là, il faudra que l'accord soit majoritaire. À partir de mars 2018, les accords devront être majoritaires, donc à 50%. ça sera plus 30%. Là, aujourd'hui, c'est des accords majoritaires à 50%, mais il y a quand même des accords qui restent négociables avec une majorité, ce qui est absurde. La majorité à 30%, c'est pas la majorité, mais il y en a encore. En mars 2018, c'est fini. Tous les accords vont être à 50%. Et puis, il y a les dispositions qui concernent les petites entreprises où on pourra négocier sans organisation syndicale. Et bien, derrière de pareilles mesures, donc cette compétence donnée pour négocier, donc là en l'occurrence une baisse ou la disparition des prix, mais également le fait de pouvoir définir au niveau de la branche désormais les règles concernant les contrats courts, derrière aussi la mesure qui n'est autre chose que la possibilité donnée désormais de rupture conventionnelle collective, derrière cette idée de négociation, est-ce que ce qu'on n'a pas finalement, c'est une négation de la part du gouvernement, consciente ou inconsciente, consciente a priori, mais une négation du salariat en tant que mode de domination sociale, de ce qui est l'essence même, de ce qui présidait à la consécration d'un code du travail. En l'occurrence, la modération d'un rapport de force nécessairement inégalitaire entre employeurs et employés. Oui, mais ça, le rapport de force inégalitaire, il l'est depuis la Révolution française. Et depuis l'interdiction du droit de grève pour commencer pendant la Révolution française. Donc, il a toujours été en faveur des possédants. Oui. Après, à travers les luttes, il y a eu des freins qui ont été mis à la toute-puissance des employeurs. Il y a eu des garanties qui ont été obtenues, des garanties de représentation des salariés, des garanties sur le... Ça a commencé par l'interdiction du travail des enfants, ça s'est étendu, ensuite sur le nombre d'heures par semaine, mais ça a été gagné aussi par des luttes. Et est-ce que, alors derrière tout ça, est-ce que c'est pas la négation précisément du salariat en tant que mode de domination sociale? Est-ce que c'est ça qu'on ne veut pas voir en fait? En pensant qu'on peut tout négocier. En fait, ce qu'on ne nous dit pas, encore une fois, puisque vous incitez ceux qui nous écoutent à aller chercher les non-dits, ce qui se trouve dans les coins d'ombre, derrière, lorsqu'on nous dit négociation, il est quand même assez aisé d'imaginer toutes les pressions qui vont peser sur les salariés, où on va leur dire, bah, écoutez, c'est ça ou c'est la clé sous la porte, faut s'adapter, il faut... C'est déjà souvent le cas, mais ça sera renforcé évidemment, puisque ça se jouera au niveau de l'entreprise. Tout. Et quand un patron, on a vu dans le passé un référendum dans l'usine Smart, Mercedes, oui, absolument. Où la majorité a accepté le retour à 39 heures, payé 35. Les ouvriers ont refusé majoritairement, mais il se trouve que dans cette entreprise, le collège des agents de maîtrise et cadres était plus important que le collège des ouvriers à la production. Et donc c'est ça qui a fait basculer la décision. Mais si on dit à des employés on va négocier le départ en rupture conventionnelle collective de 20% de la main-d'œuvre, soit on ferme l'usine mais on délocalise, on connaît la réponse à ce genre de chantage. Donc voilà, c'est pas une négociation, c'est du chantage. C'est la porte ouverte au chantage. En fait, justement, les accords de branche permettaient une certaine régulation qui empêchait plus ou moins la course au moins 10 ans. Donc ça va disparaître. Ça va disparaître en partie, oui. Oui, puisque des tas de choses seront ramenées au niveau de l'entreprise et que le rapport de force au niveau de l'entreprise entre ouvriers ou employés et employeurs est moindre que si c'est collectif, évidemment. Et plus la boîte est petite, et plus la pression va être forte. Et il ne faut pas oublier aujourd'hui quand même que 95% des salariés en France travaillent dans des boîtes de moins de 100 salariés. Donc ça joue quand ils parlent de seuil, que c'est intolérable. Déjà, ces salariés-là, soit ils n'ont pas de présence syndicale, soit ils n'ont pas toutes les instances représentatives du personnel, soit ils sont déjà dans un contexte où la pression patronale est beaucoup plus forte, évidemment. Elle est beaucoup plus forte qu'à la SNCF, à Orange ou dans des multinationales où il y a des milliers de salariés. Et ça va renforcer, évidemment, ce pouvoir patronal. Quand on nous dit, parce que c'est Pénicaud qui avait dit ça, moins de droits, c'est mieux de droits. Moins de salaire, c'est mieux de salaire. Moins de logement, c'est mieux de logement. Mais paradoxalement... le gouvernement veut favoriser ce qu'il appelle les accords de groupe entre entreprises très différentes. Dans quel but, là ? Ben moi, j'ai pas vu. Enfin, vraiment, il y a un certain nombre de choses. On n'a pas le détail. Il y a favoriser les accords. On a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui sont présentes dans des secteurs très très différents. Quand je vois qu'Orange crée une banque, Orange, c'est une entreprise de télécommunications à l'origine. Hein. Quand je vois qu'une grande multinationale de réservation hôtelière va aujourd'hui s'occuper des réservations dans les restaurants, et puis pourquoi pas de te réserver une place à la station-service pour aller faire ta vidange, etc. Donc, moi, dans quel but ? Bah, c'est, de toute façon, c'est toujours d'harmoniser par le bas. Hein, donc, Oui, bien sûr. Puisqu'on évoque les grands groupes, il y a aussi une question absolument fondamentale qui trouve à se poser au terme de ces ordonnances. C'est le fait que désormais, pour juger du bien fondé du déclenchement d'un plan social dans la filiale française d'un groupe international, ou voire la fermeture d'un site tout bonnement, seul le territoire national sera retenu pour apprécier les difficultés du groupe international qui licencie en France. Oui, alors dans la loi Travail Une, ils avaient déjà voulu faire passer cette mesure, ils avaient fait machine arrière, dans l'esprit d'obtenir un compromis et l'accord d'un certain nombre d'organisations syndicales, puisque c'était resté au niveau du groupe, au niveau de l'Europe, que ça devait s'apprécier. Bah, si c'est au niveau du périmètre national, pour ces multinationales ou ces grands groupes, c'est très facile d'organiser la baisse des commandes. Oui. Moi, je prends une entreprise numéro un mondial des centres d'appel qui s'appelle Téléperformance. Aujourd'hui, on peut dévier les appels d'un pays sur l'autre. C'est très facile de dévier, y compris là-dessus, c'est pas de la production, mais de dévier les appels téléphoniques de la France vers la filiale tunisienne. Et après, on dit, vous vous rendez compte, le flux d'appels a tellement baissé, on ne peut plus conserver les sites, on ne peut plus conserver autant de salariés. Donc on peut jouer constamment avec les commandes, avec les flux d'appels, avec la production, en disant, on l'organise. Ces groupes peuvent parfaitement l'organiser. Et puis... aller trouver via le Luxembourg, les Bahamas ou je ne sais pas quoi, le fondement financier, l'état financier réel de la boîte, c'est très compliqué. Hein. Oui. Même quand on fait appel à des expertises via les comités d'entreprise, on arrive à déceler des choses, à savoir qu'il y a sûrement une fraude ou quelque chose qu'on nous cache, mais pour le démontrer, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, bah, systématiquement, ces groupes pourront organiser les futurs licenciements. Et alors, dans ce qui a été dit, attention, les ruptures conventionnelles collectives, elles remplacent les plans de départ volontaires. Avec une différence, c'est qu'un plan de départ volontaire se négocie, qu'on peut donc obtenir plus que la loi, que le minimum. Si c'est une rupture conventionnelle, c'est cadré par la loi. Il y a un barème des indemnités en fonction de l'ancienneté, en fonction de la branche, etc. Et si on obtient plus dans une rupture conventionnelle que la loi, il ne faut pas oublier que derrière, si on est licencié, donc on est hors de la boîte, ça peut occasionner un délai de carence pour toucher l'indemnisation chômage, oui. Jusqu'à 6 mois. Ça existe déjà dans la loi. Donc là, c'est double bénéfice pour le patron. Hein. On n'a plus à négocier le plan de départ volontaire. On ouvre une rupture conventionnelle avec des minimums légaux ou un tout petit peu plus. On offre le mois de préavis, par exemple, en plus, dont on dispense les salariés, ou les 2 mois, si c'est 2 mois. Donc là aussi, hein, c'est pouvoir licencier plus vite. Alors, est-ce que licencier plus vite a créé des emplois ? Ben, on s'aperçoit que dans tous les pays où ce système de... C'est la fameuse flexi-sécurité, soi-disant, sauf que le nombre de chômeurs réels, même s'il baisse, on s'aperçoit par contre qu'on augmente beaucoup le nombre de travailleurs pauvres. Oui. Donc le chiffre global des chômeurs à 100% va baisser, oui. Oui, au-delà de ces quelques mesures qu'on égrène parce qu'un certain nombre s'érige en point clé des ordonnances, il y a vraiment une réflexion globale à avoir sur ce qu'on nous présente comme les réformes structurelles des régulations des marchés du travail. Oui, René. Justement, en fait, ces réformes sont prévues, entrent dans le cadre de la mondialisation néolibérale au bénéfice des multinationales et de la finance. Et justement, à ce sujet, cette politique, justement, de détricotage du droit du travail n'est-elle pas aussi dictée par l'Union européenne ? et sa volonté de faire de l'Europe quoi, un grand marché unique pour le plus grand bénéfice des investisseurs. C'est pas André peut-être peut... Ça se passe pas seulement en France, en Belgique, il y a eu l'année dernière la loi Peters qui était à peu près pareil que la loi El Khomri. Et en Allemagne, on veut casser le système de cogestion allemand, mais les négociations collectives annuelles, ça ne va plus parce que ça ne serait pas dans l'intérêt de ce qu'on appelle les investisseurs. Investisseurs, il faut qu'on parle des grandes entreprises multinationales. Au niveau de l'Europe, donc c'est la Commission européenne qui a la compétence exclusive sur la politique commerciale de l'Union. Donc c'est elle qui négocie, systématiquement d'ailleurs à huis clos, les accords de libre-échange entre l'Union européenne et le reste du monde. Bon, le TAFTA qui est pour le moment en suspens, le CETA, le JEFTA en sont l'exemple. Alors, ce démantèlement programmé des législations du travail, n'est-ce pas pour justement préparer le terrain à ces accords ? Les lois Macron, enfin El Khomri, Macron maintenant, Pénicaud, est-ce que tout ça n'est pas... c'est pour préparer le libre-échange intégral qu'ils veulent mettre en place. Il faut se poser en effet la question du lien entre les lois qui sont déjà passées en France, et plusieurs lois sur durant le quinquennat de M. Hollande et maintenant les ordonnances Macron, ça d'une part, et puis les projets de traités internationaux. Vladimir a expliqué déjà le déséquilibre, toujours plus de droits pour les entreprises et droits de plus en plus réduits pour les travailleurs. Alors ces traités iraient encore plus loin. D'abord, ils ont été tous négociés dans le secret. Il ne faut pas que la population sache. Et les informations que des organisations qui s'y opposent comme attaque, on a tout obtenu ces informations par des fuites. Mais c'est nous qui avons donné de l'information, c'est nous qui avons organisé les débats, ce que le gouvernement n'aurait pas été foutu de faire. Il ne voulait pas le faire d'ailleurs. Nous avons écrit à des députés, à pas mal de députés, pour lire nos réflexions. Et puis on a eu très peu de réponses. Alors on demande si c'est pas un peu les fainéants qui répondent pas. Ils défendent même pas leur projet de CETA, sauf pour prétendre que CETA et TAFTA c'est très différent. C'est pas sérieux. Oui, peut-être. Oui, cette volonté d'imposer un marché, le marché et rien d'autre, à quelque chose aussi d'extrémiste. Bon, ouais. Oui. Enfin, c'est une stratégie de silence qui continue. Silence au niveau de la Commission européenne et des négociateurs des traités. Silence qui est prolongé par des autorités, pas seulement en France, mais dans d'autres pays. C'est le silence partout. C'est bien la même logique, parce que pour ces traités, le but essentiel, c'est la libéralisation. La libéralisation de tous les secteurs. Oui. Alors maintenant, tout ce qui n'aura pas été, par exemple pour le CETA, tout ce qui n'aura pas été prévu qu'on pourrait exempter ou diminuer la libéralisation, tout ce qui n'est pas prévu, hop, c'est promis à la libération totale. Donc tous les secteurs professionnels, tous les services, en principe. Éliminer tous les obstacles au libre commerce, voilà. Y compris d'ailleurs le marché de l'emploi. Donc on voit ce que ça donne. Pour le plus grand bénéfice, évidemment, de la finance et des multinationales, investisseurs, en gros. Absolument. Ouais. Donc un autre but, c'est de niveler les législations, les réglementations dans tous les pays. Niveler vers le bas, bien sûr. C'est difficile de niveler vers le haut. Oui, c'est bien vers le bas qu'on va. Et donc c'est encore augmenté le rapport de force des employeurs. Je voudrais rappeler un projet de traité qui a heureusement échoué, c'était l'accord multilatéral sur l'investissement des années 90. Oui, déjà, les multinationales avaient affiché leurs ambitions. L'investisseur, il va pouvoir fabriquer ce qu'il veut, s'installer où il veut, embaucher qu'il veut, donc en pouvant négliger la population locale. Donc faire travailler dans n'importe quelles conditions, payer le salaire qu'il veut, et aucun compte à rendre aux autorités politiques. Les droits pour lui et pas les devoirs. Voilà, alors on peut penser que cette idée-là n'a pas été abandonnée et que ça va revenir. Mais il y avait un lien le 12 septembre qui a été fait dans la rue, hein, quand les forains ont manifesté et ont bloqué, par exemple, autour de l'île les péages. Ah oui. C'est qu'ils se trouvent dans la situation où, justement, on leur dit aujourd'hui, vous devrez accepter la mise en concurrence avec des entreprises, des multinationales du spectacle ou autres, pour obtenir les places, pour vous installer pour les foires. Ah oui. Donc c'est là-dessus, ça se recoupe. Ils se battaient pas contre le code du travail, mais ils se battaient sur l'ouverture de la concurrence obligatoire quand ils feront des demandes pour s'installer dans une ville. Oui, c'est là. Et dans tout cela, que devient la démocratie? Parce qu'on nous parle maintenant de post-démocratie. Qu'est-ce que ça recouvre? Je vous répondrai ce qu'a dit Laurence Parisot. L'entreprise n'est pas une démocratie. Donc, à partir de là, on peut supposer que le reste de la société l'est de moins en moins. Disons que c'est une démocratie. C'est un peu le fameux. La dictature, c'est ferme ta gueule, et la démocratie, c'est cause toujours. Mais on l'a vu à propos du traité constitutionnel européen et à d'autres occasions. C'est-à-dire, les citoyens auront beau voter contre, finalement, les mesures passeront quand même. Je vais répondre sur la post-démocratie, mais je vais terminer mon propos sur très courte analyse des traités. Ces traités s'attaquent évidemment au droit du travail, mais pas seulement. Ah oui. Toutes les réglementations, les normes au point de vue social, environnemental, sanitaire. Hygiène, sanitaire, tout est menacé. Tout est menacé parce que le but, c'est de niveler par le bas. Alors en plus, ces traités prévoient des tribunaux d'arbitrage. Ça veut dire que quand une multinationale n'obtient pas un nivellement par le bas des lois suffisant, que des lois dans un certain pays ne lui plaisent pas, elle pourra dire « Eh bien, aux États-Unis, j'ai telle facilité, comment ça se fait qu'en Europe, je ne l'ai pas ?» Alors soit vous changez vos lois, si vous ne voulez pas changer vos lois, je vous attaque devant un tribunal spécial qui était prévu pour ça, et soit vous annulerez votre loi, si vous voulez la maintenir, eh bien, vous me paierez des centaines de millions d'euros. Exact. Et peux-tu nous dire deux mots aussi sur la coopération réglementaire qui est prévue dans les accords de libre-échange, notamment le CETA? Oui, là, les questions se chevauchent. Oui, on peut dire post-démocratie, mais je dirais aussi nouveau totalitarisme. C'est certains auteurs qui le considèrent comme ça. Moi, je pense que c'est ça. C'est un totalitarisme, je pense, parce qu'il s'agirait de donner tous les pouvoirs, plein de pouvoirs, toujours aux mêmes, on peut appeler ça un coup d'État, mais un coup d'État certes progressif, mais qui n'est pas un coup d'État franco-français. Un coup d'État dissimulé. Oui, un coup d'État dissimulé, mais en plus mondial, international, voilà, oui. Absolument. Alors tu parlais de la coopération réglementaire. Oui, en quelques mots. Voilà. Donc, les traités CETA et TAFTA prévoient un système qu'ils appellent coopération réglementaire. On nomme un comité qui va fonctionner après que le traité sera ratifié définitivement au point de vue politique. Et donc, les clauses du traité pourront encore être modifiées après. Donc, ce comité va s'occuper de préparer des projets de loi à l'avance pour des gouvernements, toujours pour aller dans le sens de l'intérêt des investisseurs. Et par contre, s'il y a des projets qui sont émis par des gouvernements qui ne vont pas dans le bon sens, eh ben, ce comité pourrait les faire capoter. Bien sûr. Louis, peut-être ? Oui, je voulais ajouter un mot concernant l'Union européenne, puisque nous l'avons évoqué. Alors, si l'entreprise n'est pas une démocratie, l'Union européenne n'en est pas une non plus. Et c'est quelque chose que je pense important, qu'il est important de souligner, parce que l'Union européenne, c'est vraiment une question qui jalonne l'ensemble de nos émissions à Angle d'Attaque. On en parle beaucoup, parce que la question est vraiment fondamentale. Le droit européen primaire, les traités qui donnent à la construction européenne son ossature ordolibérale, en ne permettant plus d'une part l'ajustement par les taux de change, puisque nous partageons une monnaie unique, et d'autre part en organisant une gouvernance budgétaire très stricte et très rigoureuse, ne permettent plus aux États de mener des politiques macroéconomiques conjoncturelles, contracycliques, en cas de besoin de relance par la stimulation de la demande. Et donc, en fait, nous sommes contraint. Donc, on ne peut pas politiquement, la Grèce en est l'exemple ultime, on ne peut pas décider démocratiquement de mener des politiques macroéconomiques d'inspiration keynésienne. Et donc, en fait, tout ce dont nous parlons depuis le début, nous y sommes condamnés. L'Union européenne, c'est un jeu à somme nulle dans le cadre duquel l'ambition, c'est de multiplier les dévaluations internes, les dévaluations compétitives pour aller piquer la demande de l'autre. Donc, il faut s'adapter. Si l'impôt sur les sociétés est à tel pourcent dans un État, il faut le mettre en dessous. C'est le théâtre d'une guerre économique qui ne permet pas de s'épanouir démocratiquement, l'Union européenne. Et tant pis pour les populations locales, mais on l'avait vu dans le cas de l'Argentine avant la Grèce. Oui. Peu importe le sort de la population argentine, puisqu'on négocie au niveau mondial et que les choses se... Donc que la population soit appauvrie, qu'elle puisse plus consommer ses produits sur place, peu importe, l'Argentine restait le premier exportateur mondial de viande, par exemple. Et donc, même si sa population crevait de faim, ce n'était pas un souci. Là, la Grèce, juste un exemple sur les politiques d'austérité à répétition. La Grèce a introduit ce qui existe en Grande-Bretagne, mais ce que veut faire, c'est un autre des projets Macron, un SMIC différencié à l'âge. Ah oui. Un SMIC jeune, à nouveau, ça ne s'appellera pas SMIC jeune, probablement. Ça existe en Grèce, jusqu'à 25 ans, on a un revenu minimum inférieur en dessous. Alors, ça diminue le chômage des jeunes. C'est ça l'argument. Vous savez, en France, on a beaucoup de jeunes au chômage par rapport aux autres pays. Il y a moins de jeunes au chômage et il y a plus de gens à partir de 50 ans qui sont dehors et qui n'ont pas droit au chômage et qui sont dans la misère la plus totale. C'est à ça que ça mène, en dehors que c'est une injustice, quoi, évidemment, puisqu'on va créer deux salaires minimums différenciés. Et là, le truc, c'est que juste pour dire, c'est que à l'origine, la différence devait être de 20%, qu'on constate aujourd'hui dans les faits que la différence entre SMIC jeune et SMIC adulte en Grèce atteint les 30%. Eh bien, merci pour vos interventions. Peut-être une pause musicale ? L'homme veut manger du pain, oui. Il veut pouvoir manger tous les jours. Du pain et pas de mots ronflants. Du pain et pas de discours. Marchons au pas, marchons. Au pas, camarade, vers notre front. Range-toi dans le front de tous les ouvriers, avec tous tes frères étrangers. L'homme veut avoir des bottes, oui. Il veut avoir bien chaud tous les jours. Des bottes et pas de boniment. Des bottes et pas de discours. Marchons au pas, marchons. Camarade vers notre front, range-toi dans le front de tous les ouvriers, avec tous tes frères étrangers. L'homme veut avoir des frères, oui, il ne veut pas de matraque ni de prison. Il veut des hommes, pas des parias, des frères et pas de patron. Marchons au pas, marchons au pas. Camarade vers notre front, range-toi dans le front de tous les ouvriers, avec tous tes frères étrangers. Tu es un ouvrier, oui, viens avec nous, ami, n'aie pas peur. Nous allons vers la grande union des travailleurs. Donc c'était Francesca Solville, le front des travailleurs. Et donc on passe aux actualités d'attaque. Oui, les actualités d'attaque avec René. René, concernant l'Université européenne des mouvements sociaux. Oui, alors l'Université d'été européenne des mouvements sociaux, qui s'est tenue du 23 août au 27 août à Toulouse, a rassemblé plus de 2000 participants et participantes venus de toute l'Europe. De nombreuses activités, forums, ateliers, formations ont rythmé ces 4 jours, avec l'implication de près d'une centaine d'organisations associatives et syndicales, de réseaux citoyens, médias alternatifs, luttes locales, etc. Comme le souligne Aurélie Trouvé, cette université d'été a été un grand succès. Nous avons été surpris par l'ampleur de la participation. Et Dominique Plion, porte-parole d'Attaque, nous dit « Le succès de notre université d'été a été une signification politique claire. Les citoyens et citoyennes veulent se mobiliser face à la régression en marche. Nous ne laisserons pas la voie libre à Macron. » On a parlé concernant la loi travail XXL, c'est oui, toujours non. Justement, donc c'est la Attaque a lancé une campagne. Donc dans le cadre de cette campagne, Attaque a édité le petit guide contre les bobards de la loi travail XXL en collaboration avec les économistes atterrés. Publié également plusieurs articles et communiqués, notamment le 31 août, ordonnance Macron dévoile sa loi de travail jetable. Le 12 septembre, Emmanuel Macron invente le travail jetable. Et le 15 septembre, le top 10 des raisons de se mobiliser contre la loi travail. Également réaliser une vidéo, ça veut dire quoi ? Libérer le travail, où interviennent Karl Gazi de la CGT Commerce et Thomas Coutreau d'Attaque. Vous pouvez retrouver ces publications sur le site d'Attaque France. Bien entendu, dans toute la France, de nombreux militants d'Attaque ont participé aux manifestations du 12 septembre. Qu'en est-il du CETA ? Alors, eh bien, nous demandons à Emmanuel Macron de stopper la mise en œuvre du CETA, puisque le rapport de la commission qu'il avait lui-même nommé confirme que cet accord entraîne inévitablement des incertitudes et des risques. Et face à ces risques, que de nombreuses organisations, dont Attaque bien sûr, dénoncent depuis des mois, études à l'appui, une seule réponse possible. Suspendre l'entrée en vigueur provisoire qui est prévue le 21 septembre et ne pas ratifier l'accord en l'état. Dans l'immédiat, le collectif Stop TAFTA CETA demande à Emmanuel Macron de prendre en compte l'avis de milliers de signatures de la pétition, de bloquer l'entrée en vigueur provisoire du CETA et de rouvrir les discussions entre l'Union européenne et le Canada. Vous pouvez retrouver la pétition sur le site du collectif national Stop TAFTA. Concernant le projet de loi Hulot relatif à l'interdiction de l'exploitation des hydrocarbures en France, eh bien, le mercredi 6 septembre, les collectifs Non au pétrole et gaz de schiste et de couche, ainsi que 350.org, les Amis de la Terre et Attaque France ont donné une conférence de presse pour présenter leur réaction au projet de loi Hulot, en souligner les avancées, il y en a quand même, décrypter les lacunes et présenter leurs revendications. Pour Maxime Combes d'Attaque France, à l'exemplarité affichée dans les discours aurait dû correspondre un projet de loi sans faille. Ça n'est malheureusement pas le cas. Pour Nicolas Heringer, chargé de campagne de l'organisation 350.org, il s'agit d'une loi à l'évidence symbolique. L'exploitation actuelle des hydrocarbures au plan mondial ne nous permettra pas de limiter le réchauffement climatique à plus de 2 degrés. Il faut donc que le texte aille plus loin et bloque l'octroi de tout permis d'exploitation et non uniquement de tout nouveau permis de recherche. Au plan local maintenant, quelques mots sur 2 rendez-vous récents. Oui, donc la manifestation du 12 septembre contre la loi travail, donc participation commune du collectif Stop TAFTA CETA de la métropole et d'Attaque Villeneuve-d'Ascq. C'était aussi l'occasion pour le collectif de mettre en évidence les liens entre cette loi et les accords de libre-échange, notamment le CETA, dont l'application provisoire, je le rappelle, va s'appliquer le 21 septembre. Un tract a été réalisé et diffusé dans ce but. Et concernant la friche Saint-Sauveur, le 13 septembre ? Oui, alors là a eu lieu une réunion publique organisée par la mairie de Lille. Elle s'est tenue au café Saint-Sauveur dans l'ancienne gare. Nous étions plusieurs membres d'Attaque venus à l'invitation du collectif Faites la Friche qui propose des alternatives au projet officiel. Donc pour le soutenir et montrer aux élus qu'il existe de réelles préoccupations et interrogations au sein de la population vis-à-vis de la politique municipale et communautaire au niveau de la politique d'urbanisme. Au cours du débat, le collectif a pu faire entendre quand même ses arguments. Seront-ils pris en compte ? On passe à l'agenda militant avec Florent. Oui, dans l'agenda ce mois-ci, 7 rendez-vous dans 7 lieux différents. Donc, on commence cet après-midi à 14h au Café Citoyen de Lille. Action anti-pub intitulée « Et pourquoi pas de l'art ?» pour tenter de montrer qu'une alternative existe et à l'occasion de la journée du patrimoine, le but de l'action est de transformer les panneaux publicitaires en support d'exposition à des œuvres d'art. Le lundi 18 septembre à 19h30, au jardin communautaire Le Bizardin, rue Denis Papin à LM. Donc discussion sur la friche Saint-Sauveur, on vient d'en parler. Lieu inquiétant ou terrain d'aventure, parfois refuge pour les plus précaires, en marge et en lisière des villes, les friches inquiètent et suscitent l'intérêt. Parfois, elles se transforment et deviennent des lieux d'accueil d'initiatives d'habitants, mais bien souvent, elles sont aussi l'objet de la convoitise et de l'appétit vorace de pronoteurs immobiliers. Elle pose aussi la question de la ville que nous voulons. Toutes ces questions et bien d'autres seront posées autour du cas emblématique du devenir de la friche Saint-Sauveur. Et en cas d'intempérie, donc le rendez-vous sera à la Machina, ALM également. Le samedi 23 septembre à 16h, à la Maison de l'économie sociale et solidaire, donc située à l'Auberge de jeunesse de Lille, projection débat autour du thème « Les énergies renouvelables et la finance éthique ». Au programme projection de « Chercher le courant », donc à travers un parcours de plus de 500 km, les réalisateurs remontent la rivière Romaine au Québec en explorant les différentes énergies renouvelables. Puis projection d'une banque qui ne voulait pas prêter plus. Une banque qui voulait prêter plus. À l'heure où le système bancaire est partout remis en cause, il existe en France un établissement financier unique singulier, laboratoire joyeux d'une autre manière de travailler l'argent, la NEF. À la suite de ces projections, on rencontre avec les emprunteurs de la NEF et Apéro Solidaire. Mardi 26 septembre à 19h30 au cinéma L'Univers, projection de changement de propriétaire. Donc ce film suit de l'intérieur une aventure citoyenne défendant une idée aussi fiable qu'utopique, celle de la terre comme bien commun. Rassemblés par l'action concrète, les membres de mouvement de Terre de Liens mettent en œuvre les moyens nécessaires à la mutation de notre rapport à la Terre. Suivi d'une discussion-débat, comment se réapproprier les moyens de subsistance qui s'est donc organisé par le mouvement français pour un revenu de base. Jeudi 28 septembre à 20h30, à la Rose des Vents de Villeneuve-d'Ascq, conférence sur le thème « La Grèce, l'euro, l'Europe et nous » et donc avec Éric Toussaint du CADTM. Donc commencé depuis 2010, le peuple grec subit une politique d'austérité brutale. En juillet 2015, le gouvernement grec, bien qu'élu pour changer de politique, a dû à son tour se plier aux décisions des institutions de l'Union européenne. Depuis, nous assistons à un divorce croissant entre les Européens et leurs institutions. C'est l'occasion de réfléchir sur la question de l'euro et plus généralement de l'Union européenne. Le lundi 2 octobre à 19h, la société Louise Michel Lille invite Edoui Plenel, donc cofondateur de Mediapart. Ça sera au théâtre de la Verrière. Il viendra parler de son ouvrage Voyage en terre d'espoir, sous-titre Les vainqueurs n'ont rien à nous apprendre quand les vaincus laissent des savoirs méconnus. Il a voulu rendre hommage aux oubliés et aux méconnus qui se sont battus pour l'émancipation et rendre justice. Et pour finir, le jeudi 12 octobre à 20h au cinéma Le Méliès à Villeneuve-d'Ascq, projection Les Pieds sur Terre, au cœur de Notre-Dame-des-Landes, dans le lieu-dit le Limimbo, hameau d'une dizaine d'habitants, agriculteurs historiques, paysans, syndicalistes, locataires surendettés sont venus chercher une autre vie, où squatteurs plus ou moins confirmés y apprennent à vivre et à lutter ensemble au quotidien. Ici, disent-ils, on ne fait pas de politique, on la vit. Loin des représentations habituelles de la ZAD, le film est une immersion dans le huis clos de ce village, devenu au fil des années symbole de la lutte contre l'aéroport et son monde. Suivi d'une rencontre-débat avec le co-réalisateur et le comité de soutien de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes dans le Nord. Et c'est terminé. Ouais. Peut-être le 21 septembre, il y a donc de nouveau une manifestation contre la loi travail et le rendez-vous est 14h30, porte de Paris. Voilà. 14h30, porte de Paris. Le 3 octobre, on a parlé. Dominique Pillon. C'est où? Enfin. Oui. Ça sera lieu. 3 octobre, à l'espace Marx, à partir de 19h, mais je crois que la conférence est à 20h. Dominique Pillon, d'Attaque France, va. va parler du sujet important, rendez l'argent. Alors, c'est, oui. Il s'agit de lutte contre l'évasion fiscale. Et c'est où déjà à l'espace Marx. C'est à ILM. D'accord. Oui, c'est bon. Bien, merci à tous. Partigiano, oh bella ciao!